sur Radio FG. Je sens qu'il y en a plus d'un qui vont vouloir me tuer de parler sur le set d'Eric May. Mais bon, tant pis, pas grave, il faut bien que je le fasse. Donc c'est jusqu'à 4h30 d'ailleurs qu'il mixe d'Eric May. Et apparemment ça vous plaît parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc laissez-moi me reposer 2 minutes. On va faire une petite pause, on va revenir donc avec la suite du set de Derrick. We'll be right back. Morgane sur FG. Et je viens juste pour vous rappeler, pour ceux qui viennent juste d'arriver, à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs, hein, que jusqu'à 5h sur FG, c'est la rediffusion live de la soirée Red Link qui a lieu à Monaco avec en ce moment In The Mix d'Eric May. Voilà, et c'est jusqu'à 4h30 d'Eric May. Suivra juste après Jack de Marseille. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio FG. sur Radio FG. Et depuis minuit, vous pouvez apprécier la retransmission live de la soirée Red Lake qui a lieu à Monaco. Retransmise ici sur Radio FG 98.2. Avec tout à l'heure, il y avait DJ Albert. Actuellement, in the mix d'Eric May. Jusqu'à 4h30 pour votre plus grand plaisir apparemment, parce que au téléphone ça sonne pas mal, et bien je lui retransmettrai les messages, vous pouvez me faire confiance. Et tout à l'heure il y aura Jacques de Marseille également, et aussi ah bah non voilà, et Jacques de Marseille tout à l'heure, donc avec tout à l'heure il y a eu également Missy Zézé de minuit 30 à 2h, c'était plutôt sympa. Et là Derrick May apparemment ça vous plaît beaucoup, et bien écoutez on continue jusqu'à 4h30 en quasi non-stop si on enlève les quelques pubs qu'il y a, mais bon c'est pas bien méchant. Puis là on passe un petit peu avec un petit peu d'infos comme ça, puis on revient tout de suite, à tout de suite. FG, l'info décalée. L'info décalée. 23h15 sur Radio FG. Et je rappelle pour les nouveaux venus à qui je souhaite la bienvenue sur le 98.2. Actuellement, nous avons la retransmission live toute la nuit de la soirée Redlink qui se passe à Monaco, parrainée par Radio FG à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et avec actuellement in the mix jusqu'à 4h30 l'excellent, le magnifique Derrick May. À suivre tout à l'heure Jack de Marseille. Je vous souhaite une excellente nuit sur Radio FG. FG.